Bonjour à tous. Aujourd'hui, crumble de fruits frais, jus au basilic pour 4 personnes. 1 kg de fruits frais de saison, ananas, pommes, poires, kiwi, etc. Pour le crumble, 50 g de beurre mou, 50 g de farine, 50 g de sucre et 50 g de poudre d'amande. Pour le sirop, 10 cl d'eau, 15 g de sucre, des zestes de citron, quelques feuilles de basilic et un petit peu de vanille. Préparation du crumble. Mélangez du bout des doigts sans trop les amalgamer tous les ingrédients. Étalez sur une plaque à pâtisserie sans les presser. Cuire 10 à 12 minutes à 180 degrés jusqu'à belle coloration. Préparation du sirop. Portez ébullition tous les ingrédients sauf le basilic et coupez le feu. Ajoutez le basilic. Laissez infuser 30 minutes. Filtrer. Refroidir une heure au réfrigérateur. Épluchez, coupez les fruits en mirepoix dans un saladier. Ajoutez jus de basilic. Répartir dans des coupes. Garnir le dessus de crumble, garniture, feuilles de basilic. Un petit vin conseillé, une blanquette de bibou, à boire avec modération.